veux m'en aller ailleurs. Je n'ai pas d'avenir ici, vers un horizon meilleur. Oh, les cartes postales sont jolies. Ce n'est pas toujours dimanche, mais je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu cette chance d'être né au bon endroit. Et ouais, d'être né au bon endroit. Je voudrais venir en France, même si c'est pas le paradis. Ce sera toujours mieux, je pense, que de crever dans son pays. Je pense que crever dans son pays. Ah, si tu savais comme je rêve d'une autre vie. Ah, si tu savais comme j'en rêve la nuit. Y en a marre de la misère. Paraît que nous sommes tous frères, mais on n'est pas tous égaux. Nous aussi on veut du rêve, des PlayStation, des autos, un vrai bon civet de lièvre, au moins manger comme il faut. Et ouais, au moins manger comme il faut. Je voudrais venir en France, même si c'est pas le paradis. Ce sera toujours mieux, je pense, que de crever dans son pays. Je voudrais venir en France, même si c'est pas le paradis. Ce sera je pense. Dans le dos, mais j'ai les pieds sur terre. Je marche pieds nus sur des cailloux pour passer la frontière. Je n'ai pas le moindre sou, et ouais, je n'ai pas le moindre sou.